Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 8, colonne 1. Nouvelle des cantons de l'Est. Chartierville. Monsieur l'abbé Lebel, le nouveau curé de Chartierville, a pris possession de sa nouvelle cure la semaine dernière. Compton. Le 9 courant est mort dans notre village, Monsieur John McClary, grand commerçant. Sa mort presque subite est attribuée à une perte considérable faite dans une transaction commerciale. Sainte-Catherine. Les ouvriers du chemin de fer Waterloo et Magog sont en grand nombre dans les environs de la paroisse Sainte-Catherine. Cette paroisse, relativement nouvelle, n'est pas riche. C'est pourquoi, monsieur le curé, connaissant la générosité des Canadiens français, qui sont en majorité sur la ligne, a été visiter ces bons ouvriers et demander quelques deniers pour son église. Tous les ouvriers ont donné et, sur un parcours de quelques milles, monsieur le curé a ramassé environ 200 piastres, dit-on. Dieu tiendra compte de cet au monde et bénira ses ouvriers si pleins de foi et de générosité. Stansted. Lyman Caswell, de Stansted, a été trouvé mort dans sa chambre chez son beau-frère, M. Frank Morrill, mardi dans la matinée. Ne le voyant pas descendre comme d'habitude, M. Morrill monta à sa chambre et le trouva étendu sur le plancher. Le défunt était âgé de 32 ans. Il souffrait depuis quelques années. La mort était causée par une maladie du cœur. Le coroner Woodward a été appelé, mais on n'a pas cru devoir faire une enquête. Le 4 courant, par M. l'abbé McCauley, curé à Quaticook, M. Michael Felix Hackett, avocat à Stansted, à Mlle Florence Knight, aussi de Stansted, fille de feu M. Albert Knight, autrefois député du comté. La cérémonie a eu lieu à la résidence de l'épousée, en présence d'un grand nombre de parents et d'amis. Les cadeaux de noces étaient nombreux et dispendieux. On a fort remarqué un magnifique service à thé, cadeau de l'honorable W.W. Lynch, ministre des Terres de la Couronne à Québec. Après un somptueux repas, les époux sont partis pour leur tour de noces. Le Progrès souhaite à M. et Mme Hackett joie et bonheur. Saint-Malo d'Auckland. Une nouvelle paroisse est en voie de formation au sein de ce canton, qui est peuplé presque exclusivement de Canadiens français. Il y a environ 75 familles catholiques. M. Étienne Gibault, riche cultivateur de l'endroit, a donné un beau grand terrain pour y construire la nouvelle église. La paroisse aura son curé résident dans une couple de semaines. C'est M. l'abbé Gendron, actuellement vicaire à Saint-Benoît-de-Rufford, qui a été choisi comme pasteur. On est à terminer les travaux de construction du nouveau presbytère. Le père de ce jeune prêtre, M. Louis Gendron, de Whedon, doit aller habiter avec son fils. La semaine dernière, M. W. Sawyer, député du comté de Compton, est passé ici dans le but de faire mousser un projet de chemin de fer. Il s'agit d'un embranchement qui s'étendrait de Canaan, Vermont, jusqu'à Courchir. Une assemblée des citoyens a été tenue à ce propos et M. Sawyer a expliqué la nature de l'entreprise. gelé a causé beaucoup de dommages, ici et dans les environs, surtout aux sarrasins. Les pommes de terre sont assez abondantes. On n'entend point dire qu'elles pourrissent. Waterloo. Monsieur J.A. Simard, avocat, a acheté la maison d'habitation de Monsieur François-Xavier Girard, aussi avocat. On dit que ce dernier va tenter fortune ailleurs. Le bruit court qu'il va s'établir à Sherbrooke. Monsieur Raphaël Fontaine, fils de Monsieur R.E. Fontaine, avocat à Saint-Hyacinthe, qui étudiait le droit chez Monsieur J. Pénois, est retourné dans sa ville natale, où il va suivre l'étude de son père. Monsieur le juge Johnson, de Montréal, a présidé les séances de la Cour supérieure à Sweetsburg, en l'absence du juge Buchanan, qui est en Europe. Il doit aussi présider les séances de la Cour d'assises, qui doit s'ouvrir le 20 courant. On dit qu'il doit être mis à la retraite sous peu. Durant la même semaine, le juge Johnson a aussi tenu la cour de circuit à Knowlton. Il s'est alors passé une scène qui peint bien le caractère du savant juge. Un homme de Bolton, témoin dans une cause, ne connaissait pas son aversion contre l'habitude de ceux qui crachent en cour. Voici la semonce que lui adressa le président du tribunal. Vous aurez l'audace d'expectorer dans cette salle d'audience en présence de vos concitoyens. Vous êtes une brute! Indigne de paraître dans une société civilisée. On dit qu'il est un homme, dans le district de Bedford, qui ne crachera plus en présence du juge Johnson. Monsieur E. R. Smith, propriétaire du News de Saint-Jean, est en voie de publier un guide des adresses des hommes de profession et d'affaires dans les cantons de l'Est. On dit beaucoup de bien de cet ouvrage. Richmond. Les travaux de construction au couvent de cette ville avancent rapidement. La partie en briques, sous la direction de M. Léon de Selle, est à peu près terminée et l'entrepreneur, M. A. Ouellet, terminera les travaux de l'intérieur vers la fin de décembre prochain. Cette construction, qui sera l'un des plus jolis édifices de Richmond, a 66 pieds de longueur sur 40 de largeur et coûtera 7 500 $. Ce couvent est construit au moyen de souscriptions volontaires faites par les citoyens de Richmond. Il sera sous l'excellente direction des révérendes sœurs de la Congrégation Notre-Dame de Montréal. Les classes s'ouvriront dans le nouveau couvent vers le commencement de janvier prochain et nul doute qu'elles seront fréquentées par un grand nombre d'élèves. Le nombre des élèves fréquentant les écoles catholiques est considérable ici cette année. M. L. H. Belrose, notaire, a la direction de l'école des jeunes garçons et l'école des jeunes filles sous les soins de Mlle M. Kearney. La compagnie du Grand Tronc est à faire construire une voie latérale depuis la station du chemin de fer jusqu'au point qui conduit à Melbourne. La rentrée des élèves au collège protestant a eu lieu au commencement du mois. Cette maison avait été détruite par un incendie il y a un an. Le bâtiment, élevé sur les fondations de l'ancien, est d'un bon goût et peut contenir un grand nombre d'élèves. Le fils de M. le juge Plamondon, Tarta Bascaville, suit les cours de cette maison. M. Georges Hamel, de Melbourne, a eu une récolte extraordinaire de pommes de terre dans son jardin. Elles ont, en moyenne, le poids de 14 onces chacune. M. Jones, du Guardian, en a ramassé 17, ça et là, lesquelles ont pesé 15 livres. Elles sont parfaites et très farineuses. Les commissaires de nos écoles viennent d'adopter une mesure importante. Chaque mois, un rapport concernant le progrès et la conduite de chaque élève sera envoyé aux parents qui pourront ainsi juger si leurs enfants perdent ou gagnent. C'est une bonne idée dont nous félicitons l'auteur et qui devrait être adopté dans toutes nos écoles. rien comme le concours des parents pour assurer le succès de l'instituteur dans sa noble mais pénible tâche. Les expéditeurs du train du Grand Tronc, au nombre d'environ 25, vont être bientôt transférés de l'Island Pound, Vermont, en notre ville. Monsieur Gregory, le surintendant de la section S, doit aussi venir habiter au milieu de nous. On craint qu'au nombre des victimes de la catastrophe de Java ne se trouve l'un des fils de M. Andrew Rankin de Windsor Mills. Il a fait voile de l'Australie vers cette île le 1er août et a dû y arriver plusieurs semaines avant le terrible tremblement de terre qui l'a dévasté. M. Édouard Bédard, fils de notre estimable et respecté concitoyen, M. Joseph Bédard, qui a passé une partie de ses vacances ici, est allé reprendre ses études légales à Montréal. Il remplit les fonctions de greffier auprès du coroner de cette dernière ville. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.